Chapitre 10e. Ceux des employés qui avaient cru que le lendemain de l'enterrement de M. Daliphard, on pourrait arriver au bureau avec moins d'exactitude que de coutume, avaient fait un faux calcul. La surveillance ne s'était point relâchée. En entrant, ils trouvèrent Mme Daliphard, qui, comme tous les jours, se tenait devant la porte, les yeux fixés sur la pendule. Elle ne fit point d'observation à ceux qui étaient en retard, mais la façon dont elle regardait la pendule et les yeux qu'elle jetait ensuite sur le nouvel arrivant valaient une bordée de reproches. On savait par expérience que rien n'était oublié avec elle et que ce retard de quelques minutes, pour lequel elle ne disait rien en ce moment, était inscrit dans sa mémoire au compte débiteur et qu'un jour ou l'autre, dans un mois comme dans un an, elle irait le chercher là pour le faire chèrement payer. Le plus penaud fut Lucius. Ayant toujours grand soin d'arriver avant l'heure quand il savait qu'on le remarquerait, mais ne se gênant pas pour arriver après quand il espérait pouvoir le faire sans danger, le caissier avait cru que le lendemain d'un jour de fatigue et d'émotion, Mme Daliphard ne ferait qu'une courte apparition au bureau, et il en avait profité pour s'arrêter au débit tabac du coin. Il apprendrait là ce qu'on disait de l'enterrement dans le quartier, et plus tard il pourrait le répéter à Mme Daliphard, de manière à toucher la vanité de celle-ci. Quand il aperçut Mme Daliphard debout à sa place accoutumée, il s'arrêta interdit. Puis, après le premier moment de surprise, il va vers elle pour s'excuser, et dans ce but, il voulut commencer une phrase en tortillé. Mais elle ne lui permit pas d'aller plus loin dans son explication. « Je ne vous fais pas de reproche, » dit-elle. « Ce serait du temps perdu ajouté à du temps perdu. C'est assez comme ça. » Sans répliquer et la tête basse, Lucius entra dans sa caisse. Il était sans exemple qu'un commis eût osé répondre à Mme Daliphard, et moins que personne, Lucius, toujours humble et soumis, furieux quand elle était mécontente, riant aux éclats quand elle souriait de ses lèvres pincées, eût risqué une pareille insolence. On se moquait d'elle tout bas, derrière une feuille de papier soulevée à propos. On la singeait quand elle traversait les bureaux, serrée dans sa robe noire, sans faire plus de bruit qu'une souris. Mais lorsqu'on était sous le coup de son regard, on la craignait ou on la respectait. Par la seule puissance de l'intelligence et du caractère, cette femme, qui n'avait ni éducation ni manière, avait su imposer l'obéissance à sa volonté, la soumission à son influence. Tout le monde était à sa place, sans qu'aucun vendeur ou acheteur fût encore arrivé. Elle s'avança au milieu de l'espace libre qui, comme un long corridor, s'étendait entre les grillages des bureaux et levant le bras pour attirer l'attention. « Messieurs, » dit-elle de sa voix claire qui portait partout, « j'ai une communication à vous faire, dont je vous prie de prendre bonne note. Mon fils a été pendant 3 ans employé dans ma maison au même titre que vous. Ses devoirs ont été les mêmes que les vôtres, et vous ne m'avez jamais vu faire de différence entre vous et lui. » En un mot, il a été votre camarade. Mais aujourd'hui, les circonstances ne sont plus les mêmes. Il devient mon associé, c'est-à-dire votre chef. Je vous demande pour lui l'obéissance et les égards que vous avez pour moi. Entre ma parole et la sienne, il n'y a aucune différence. Je compte que vous ne l'oublierez pas. » Il n'y avait rien à répondre. Mais tandis qu'elle entrait dans son cabinet, chacun regarda son voisin. Puis, quand elle eut disparu, on commenta à voix basse et en quelques mots cette grande nouvelle. Lucius, qui, derrière son grillage, n'avait pas de voisin assez rapproché pour engager avec lui une conversation secrète, prit une feuille de papier et, après avoir écrit dessus quelques mots, il la fit passer à Mayadas. Celui-ci, habitué sans doute à ce genre de correspondance, déplia le papier sans rien répondre au commis qui le lui passait. « Eh bien, que pensez-vous de cela ?» demandait Lucius. Immédiatement au-dessous, Mayadas écrivit un seul mot, « épaté », et il renvoya le billet à son auteur. Flavien, qui travaillait dans le même bureau que Mayadas et qui avait lu la demande et la réponse, dit que pour lui, il n'était pas si épaté que ça. « Je parierais, » dit-il en parlant derrière son copie de lettres, « que c'est ce bavard de Lucius qui a inventé l'histoire du voyage de M. Adolphe. Pourquoi madame voudrait-elle qu'il n'épousât pas Mademoiselle Nélis ? Elle n'a pas de fortune. C'est possible, mais enfin, où trouver une femme plus séduisante ? Car elle est charmante, n'est-ce pas ? Elle a tout pour elle. Et il me semble que si quelqu'un pouvait ne pas vouloir de ce mariage, ce serait Mademoiselle Nélis. La fortune de M. Adolphe ne l'élèvera jamais à la hauteur de Mademoiselle Nélis. Ils ne sont pas de la même race. Vous en êtes donc amoureux ? Dit Maïedas en riant. Flavien rougit, mais il n'eut pas le temps de répondre, car Madame Dalifard l'appela. Bientôt il revint dans son bureau prendre son chapeau. « Autre nouvelle, » dit-il à Maïedas. « Madame me fait élever un monument à son mari. Elle m'envoie rue Saint-Gilles chercher le marbrier. » Le marbrier de la rue Saint-Gilles a la spécialité des enseignes. Il ne fait pas de monument funèbre. C'était en effet une enseigne nouvelle que Madame Dalifard voulait, tant elle avait hâte que son association avec son fils fût connue de tout le monde, même des passants. Cinquième Dalifard et fils en lettres d'or sur marbre noir. Quand Adolphe, moins matineux que sa mère, descendit au bureau, il la trouva en conférence avec le lithographe. Après l'enseigne, les imprimés. Dans tout, partout, cinquième Dalifard et fils. Une bourgeoise épousant un duc et père n'est pas plus pressée de faire graver partout sa couronne que ne l'était cette mère de voir son nom et celui de son fils réunis. C'est que ce fils était sa noblesse à elle, son orgueil dans le présent, son ambition dans l'avenir. En entrant dans la vie, elle n'avait eu qu'un but, gagner de l'argent, et quand l'argent avait commencé à venir dans ses mains et à s'y amasser, elle avait étendu ses désirs et voulu faire fortune. À cela, elle avait employé tout ce qu'il y avait en elle de force et d'intelligence, ne voyant rien, ne voulant rien au-delà. Ce qui est plaisir pour les autres, ce qui est bonheur pour la femme, n'avait pas existé pour elle. Et quand elle s'était sentie enceinte, elle avait éprouvé plus de dépit que de joie. Les langueurs et les malaises de la grossesse l'avaient exaspérée, car ils se produisaient précisément à une époque où le travail la réclamait tout entière. Les secousses que lui donnait cet enfant qu'elle n'avait pas désiré et qui devait l'existence au hasard n'avaient pour elle rien d'agréable. C'était un fardeau gênant, voilà tout. L'accouchement, avec ses douleurs et son repos forcé, n'avait pas modifié ses sentiments. Ce petit morceau de chair rouge qui pleurait et criait lui avait fait battre le cœur un moment, il est vrai, quand on le lui avait mis entre les bras. Mais il était devenu bien vite encombrant et s'avait été avec une sorte de soulagement qu'elle l'avait vu partir en nourrice. Elle ne savait pas comment on touche à ces petits êtres si frêles, comment on les empêche de crier. Et l'instinct maternel n'existait point en elle. Plus tard, quand elle avait vu revenir de la campagne un gros paysan lourdeau, qui faisait un tapage infernal et n'obéissait à personne, dérangeant tout, cassant tout dans la maison, elle n'avait pas trouvé un bonheur bien vif dans sa maternité. Peu à peu, cependant, elle avait pris une joie de jour en jour plus douce à poser ses yeux sur ceux de cet enfant, à entendre sa voix, à se laisser embrasser par lui, à le caresser. On lui disait qu'il était bel enfant, ses cheveux frisaient, et puis il avait des mots et des réflexions qui étonnaient. Le besoin de s'occuper de lui et de le diriger avait fait le reste. Son cœur s'était ouvert à ce sentiment maternel qu'elle était restée si longtemps sans connaître. L'argent qu'elle avait tout d'abord poursuivi si âprement était arrivé entre ses mains. Mais à mesure qu'il s'était amassé, il lui avait fait sentir qu'il ne donnait pas tout dans la vie, et qu'il y avait des satisfactions qu'elle ne pourrait jamais goûter, si riche qu'elle fût. Alors elle s'était dit qu'elle en jouirait dans la personne de son fils, et que ce qu'elle ne pouvait pas obtenir, elle, fille du père Choichillon, femme de Benoît Dalifard, elle l'atteindrait avec la main de son fils. Le moment était venu de commencer la réalisation de ses convoitises si longtemps caressées, et voilà pourquoi elle avait si grande hâte de se mettre à l'œuvre. Cinquième Dalifard et fils, maintenant le monde lui appartenait. Lorsque le lithographe fut parti, Adolphe resta debout devant sa mère, comme s'il était indécis sur ce qu'il devait faire. « Eh bien, dit-elle, ne veux-tu pas te mettre au travail dès aujourd'hui ?»« Si. » Mais il ne bougea pas. Il y avait dans le cabinet de Madame Dalifard deux bureaux, un grand et un petit. Le grand était celui de Madame Dalifard, le petit, celui de son mari. En ce moment, ni l'un ni l'autre de ses bureaux n'était occupé, car Madame Dalifard se tenait appuyée contre une table haute sur laquelle on écrivait debout. Elle regarda son fils, Eh bien, vite, elle comprit son hésitation. Il ne voulait pas s'asseoir au bureau de son père et prendre ainsi la place de celui qu'il avait occupé si longtemps. « Assieds-toi donc, » dit-elle. Malgré sa répugnance, il étendit la main pour disposer le fauteuil de son père, mais elle l'arrêta. « Pas là, » dit-elle. « Cette place sera désormais la mienne et celle que j'occupais sera la tienne. C'est celle d'où l'on voit mieux ce qui se passe dans les bureaux. Elle fait face aux personnes qui entrent. Enfin, c'est celle du chef de la maison, et le chef de la maison, maintenant, c'est toi. Je veux qu'il soit bien évident pour tout le monde que c'est toi qui commandes ici, et que c'est à toi qu'on doit s'adresser. Eh bien, et toi ? Il ne te sera pas défendu de me consulter, dit-elle en souriant. Et quand tu voudras prendre mon avis, j'en serai bien aise, mais toujours en particulier, jamais en public. Jusqu'à l'heure du déjeuner, le temps fut entièrement mis à profit. Elle avait mille choses à apprendre à son fils, non plus en quelques paroles générales, comme elle l'avait fait deux jours auparavant, pour leur fortune personnelle, mais en détail, afin de le mettre au courant des affaires de la maison. Après le déjeuner, il prit son chapeau comme pour sortir, mais elle le retint et il se laissa faire. Elle se donnait assez de peine pour qu'il la récompensât au moins par son attention et sa soumission. Le surlendemain, ce fut encore la même chose. Même intention de sortir chez le fils, même insistance du côté de la mère. Le jeudi, ce fut elle qui prit les devants et lui proposa de l'emmener à Nogent. Elle avait besoin de son avis pour des changements projetés. Rendez-vous était pris avec l'architecte et les entrepreneurs. On ne pouvait retarder cette course à la campagne. Enfin, le vendredi, il annonça si résolument son intention de sortir qu'elle ne tenta pas de le retenir. « Seras-tu longtemps sorti ?» dit-elle. « Je ne crois pas. Je vais seulement au Louvre. Je veux comparer les Rembrandt qui sont ici avec ceux que j'ai vus en Hollande. »« Cela presse ?»« Non, mais comme mes impressions sont encore toutes fraîches, je ne voudrais pas les laisser s'effacer. Et puis j'ai mal à la tête, j'ai besoin de prendre l'air. »« Eh bien va, mon enfant. À propos, si tu vois les Nélis au Louvre, fais-leur mes amitiés. » Il ne répondit pas. « Il est probable que tu les verras, » continua-t-elle, « car Juliette m'a dit qu'elle faisait en ce moment une copie à laquelle elle travaille tous les jours. Adieu, maman. » Il descendit rapidement l'escalier sans se retourner vers sa mère qui le regardait.